Oh,

bonsoir Philippe, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Thank you. confronté dans la lumière, nous avons grandi. Depuis l'âge de la pierre jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Enfanté dans les tempêtes, nous portons la peur. Les enfants de la planète devant un soleil qui meurt. Nous, les fils de la terre, habités du même champ. Nous, les fils de la terre, envoyés du fond des temps. Nous, les fils de la terre, habités du même champ. Le secret d'un nouvel âge, au parfum de liberté. Arraché à l'ignorance, nous pouvons choisir. Débriser tous les silences qui nous fermaient l'avenir. Nous, les fils de la terre, habités du même champ. Envoyez des fonds des temps. Et... putain, c'est aigu quoi, capote. I send an SOS to a world. I send an SOS to a world. I hope that someone get mine. That someone get mine. Message in a book. Message in a woman, oh cry. Every breath you'll take, every move you make, every bone you break, step you take, I'm watching you every single day. Time. Je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tu veux me saigner, même une semaine. Si tu veux me saigner.